plusieurs Sukhmas, c'est-à-dire que quoi donc Dieu est constitué de plusieurs dieux. Voilà. Comment on dit les Elohim? Par exemple, lorsque nous sommes dans plusieurs dimensions, il y a plusieurs Sukhmas. Et Sukhmas signifie Dieu, n'est-ce pas? Oui. Dans cet ordre-là, c'était comme ça, plusieurs Sukhmas. C'est-à-dire que, par exemple, si nous sommes au Cameroun, ceux qui contrôlent, par exemple, la terre, il y a un Sukhmat. Oui. Il y a un Sukhmat qui gère la terre, par exemple. Collège d'esprit, appelé Sukhmat, qui gère le cadre du Cameroun, par exemple. Je t'explique. Lorsque vous êtes plus bas, on vous explique d'abord que Sukhmat, c'est Dieu. Oui. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que c'est les gens qui viennent d'entrer dans cet ordre-là. Lorsque vous venez d'entrer au bas niveau, même quelques hauts ici, au départ, c'est sûrement c'est Dieu. Oui. Maintenant, lorsque vous avancez, parce que c'est à travers le web que j'ai compris que il y a plusieurs Sukhmas. Oui. Parce qu'il y a un Sukhma qui gère la Terre. Oui, il y a un Sukhma qui gère. Comme il y a plusieurs planètes. Oui, neuf planètes. Planètes. Voilà. Il y a plusieurs Sukhmas. Oui. C'est là. Maintenant, il y a un, celui qui est au-dessus de. On l'appelle le sans-nom. Le sang-nom, il n'a pas de nom. Oui, c'est lui alors qui coiffe tout. Le sang-nom, Vous comprenez. Donc c'est comme ça que je découvre ça dans le Afrique. Donc plus tu avances, plus un nouveau nom apparaît. Un nouveau nom apparaît. Voilà comment est-ce que ça se passe. Donc c'est de façon subtile qu'on amène les gens là-bas. Si vous êtes Là-bas, c'est là-bas le maître spirituel avec les autres maîtres invisibles. Si vous êtes un nouveau cadet, un novice, vous collaborez avec quelqu'un, ne sachant pas que derrière lui, c'est tout des entités. Voilà. Maintenant, on vous fait comprendre que quand on est dans le Kanka, il y a la protection. Oui. Donc c'est le but pour lequel les gens y entrent. La protection. Le pouvoir. Et quand chante le son. Qui est dans le monde entier, c'est-à-dire que le vendeur chante le yo, les voitures chantent le yo, les moteurs partout, même quand vous appelez la télé, vous savez, quand vous allumez la télé, ça fait si des vibrations, c'est comme ça que vous fait, vous comprenez un peu. Donc c'est comme ça que on nous avait ça fait quand vous avez expliqué avec la télé, le son là, oui, le son quand ça faisait, et on montre après on montre la montre, à ce que vous rappelez. Quand la télévision, ça faisait le son du you. Le but de ces sons, c'est quoi? Qui a initié ce son et le but, c'est quoi? Non, c'est le chant que les maîtres nous ont donné et qu'on chante universellement. C'est de partout. C'est ce que le Sukhmat a donné pour qu'on chante. Là, ça me fait peur. Sukhmat, Dieu. C'est parce que si la télévision émet ces sons-là, les voitures émet ces sons-là, et que nous avons vu que le monde a été sur le puissant du malaise, ça suppose qu'ils ont prévu quelque chose derrière. Ce sont les hommes des esprits qui ont initié ce son. C'est ça qui a initié ce son. C'est pourquoi, à un moment donné, quand vous le chantez, quand vous êtes en harmonie avec l'univers, ça change. L'impression que chaque fois que vous écoutez ça, même les voitures, même quand vous êtes sur une moto, vous écoutez le son là. Oui. Parce que vous êtes toujours connecté à ce son. Oui. Lorsque vous le chantez, lorsque vous êtes toujours. Vous montrez qu'on est baigné dans ce monde, dans cet univers. Et que ce monde appartient à Itanga, appartient à Oyu. Donc si on entend très bien, les membres de Kanka sachent ils savent que ce monde aussi, c'est pour eux. Et d'où vient le nom de Yu, H-U? Oui. On nous a enseigné que Yu vient du mot human, par exemple. Humanité. Yu, c'est l'esprit. Oui. Lorsque tu le chantes, les éléments d'esprit, c'est-à-dire que tu es toujours en contact avec les esprits. Oui. Ouais, parce que human, on le sépare en deux. Oui. Il y a H-U, Yu et man. C'est-à-dire que l'esprit dans le corps. Le corps. Vous comprenez? Donc quand tu chantes le Yu, c'est que tu es l'active. Tu actives l'esprit qui est à l'intérieur. Oui. Et tu es en contact avec tout ce qui se passe. Parce que partout, tous les éléments, le matériel chante le Yu. Là, on commence à voir dans la simulation. Chante le Yu, les voitures chantent le Yu, les motos, etc. Partout, chante le Yu. Même ton ventilateur, quand à un moment donné, c'est le son là que tu entends tout simplement parce que tu es baigné dans cette atmosphère. On commence à voir la similitude entre cet enseignement et l'enseignement rosicrucien qui dit qu'il faut chercher le Dieu en soi. Être en amont avec le Dieu qui est en soi, chacun de nous. Mais avec la lumière de la Bible, c'est toujours quelque chose de. Il y a toujours des maisons communes, chambres à part. Oui, on va retenir cette situation, la maison commune, chambre à part. Donc c'est comme ça que dans les enseignements, j'ai retenu que le Yu, c'est l'esprit, c'est un son divin. Il faut toujours le chanter, c'est le nom de Dieu même, c'est le nom du Sukhmat, c'est ce que nous enseigne. Oui. Le nom de Dieu, le nom du Sukhmat. Et curieusement, on dit que celui qui est en tête n'a pas de nom, le sans nom. Le sans nom, c'est après que je découvre ça dans World Truth. Oui. Dans la Bible de World Truth, dans le livre. Oui. Ici, il n'y a pas encore ça. On va y arriver. Oui. Donc, c'est dans cette atmosphère-là que tu nais, tu ne rencontres pas l'évangile, tu grandis. Et dans entre parenthèses, quand j'étais petit, quand mon papa avait des problèmes avec moi, une fois on était retiré, je me rappelle très bien quand j'étais petit, j'avais l'habitude que quand il y a le témoin de Jéhovah, non loin de là, je partais, comment on dit en Douala, Nami Benyolo, c'est-à-dire que je disparais, je pars écouter. Tu t'écoutes un peu pour essayer d'écouter. Écouter la parole, je voyais les livres là. Ça t'attirait un peu. Oui, ça m'attirait. Donc quand il venait prêcher la parole, on me cherchait partout au quartier alors que j'étais chez le voisin. Malgré que tu étais familier avec les Kankas. Oui, avec les Kankas. Maintenant, quand on ne pouvait pas à récupérer sa maison de Bonaberry à côté du marché, et il est venu nous chercher chez ma maman, étant petit toujours, j'avais 9 ans. Je suis parti. Oui, quand je suis parti, je suis resté là-bas. Donc, je suis là-bas jusqu'à l'âge de 20 ans. Oui, là-bas. Et là, tu fréquentais, tu étais intelligent, j'étais premier de la classe. Toujours premier de la classe. Jusqu'à la classe de BPC. Voilà, depuis quand j'ai eu mon BPC. Oui. Donc, ça fait que je ne fais que chanter le Bien, maintenant. Tu as gravé les échelles là, à l'intérieur de quand ton père avançait profondément. Il y a eu des initiations. Oui. Comme je le disais, j'avais eu une initiation. Il fallait que je crois, du désir de classe. Oui. Maintenant, on m'avait demandé de m'habiller en blanc et j'avais acheté sur les bananes. Oui. Comme fruit. J'avais acheté les bananes. Comme fruit. Comme fruit, j'avais acheté les bananes et comme fruit. Et ça avait fait que je suis bien ambiant ce jour-là. Alors, j'ai chanté le lieu à la maison ici. Mon papa, on a pris rendez-vous avec le monsieur, un ou une ici, qui m'attendait derrière. L'université, on avait un centre là-bas, on appelle ça un centre. Et nous sommes allés là-bas, je suis allé là-bas, j'ai pris mon tasseau, je suis allé seul. Je suis arrivé dans une grande salle, j'ai trouvé le monsieur. Vous êtes deux. On n'était que deux. Et c'est quelque chose de spécial ça, puisque normalement ça se fait en groupe. Oui, vous avez là, on était deux. Oui. J'ai déposé un banane quelque part dans un plateau ailleurs. Et nous, on s'est assis et il m'a demandé de chanter. Oui. Bon. Et lorsqu'il a commencé à chanter le you, on a commencé à tourner, on a commencé donc, à vous êtes toi et lui. Oui, on était absolument deux dans la salle. Oui, vous chantiez ensemble. On a chanté le you, Et immédiatement, lorsqu'on a fini de chanter le you, immédiatement, il avait sorti, il avait sorti un mot. Un bout de papier écrit. Un bout de papier, orange, comme ça. Ou jaune. Il m'avait donné, il a dit que voilà ton cadeau. Bon, au départ, je n'ai pas perçu s'il avait un mois à la fin, mais je savais qu'il avait un document. Il a d'abord lu le document. Après on a fermé le document, on a déposé sur la table et on s'est mis à chanter le you. C'est-à-dire on s'assoit, on met les mains ouvertes, en regardant le ciel. Cette position là a une explication. Cette posture là, lorsqu'on chante le you, c'est pour montrer qu'on veut s'élever. Les paumes de main, lorsqu'elles sont ouvertes, ça veut dire tout simplement que là, on peut recevoir le cadeau spirituel venant d'en haut. Donc, on veut être en contact avec les esprits d'en haut. Ça veut dire que on est en contact avec les esprits d'en haut. Et on est disposé. On est véritablement disposé. C'est-à-dire qu'on respire. Les techniques d'expiration et d'inspiration. Oui, d'inspiration avant de chanter le you. C'est-à-dire qu'il faut se relaxer. Oui. Donc, c'était comme ça que ça se passait. Donc, et on va voir cette minute avec le yoga également. Dans, en ce moment, des choses qui peuvent se passer au niveau de la paume de main. Et on ressent. Et on ressent ça. Oui. Bien. C'est comme ça qu'on a chanté le yoga. On a fini. Il a sorti mon cadeau. Il m'a donné un mot ici. Oui. Une statique. Et je l'ai pris. Et je l'ai répété, je l'ai gardé dans ma poche. Il a dit que je suis le seul à le garder. Oui. Ce n'est pas parce qu'il l'a vu, mais comme il l'a vu, il va l'oublier parce qu'il y a plusieurs enfants qui vont passer devant lui. Et c'est ce n'est que pour moi, c'est le seul cadeau. Oui. Voilà comment est-ce que. L'initiation s'est passée. À l'issue de cette initiation-là, il n'y a pas eu un événement surnaturel, par exemple, lorsque vous chantiez ces yeux-là, avant que ces prières lui soient données comme un cadeau. Là, présentement, je n'ai pas trop constaté un phénomène autre. Mais je savais quand même qu'il a préparé la salle. Parce que je sais généralement, on disait toujours qu'on prépare la salle. Quand on faisait quelques commentaires, il me disait que le haut ne se prépare la salle. La personne vient, il trouve que c'est déjà dans le respect. Donc ça commence à nous poser un problème. Souvent, nous voyons des affiches partout, on parle de qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que la trinité de l'homme, c'est quoi la trinité. Venez à cette conférence des Kankas qui expose à tel. Ça suppose que les gens qui sont. Cette technique de recrutement des nouveaux novices, ils peuvent venir dans la salle comme sommes dans ces salles d'hôtel où nous sommes maintenant actuellement. Oui. Ça veut dire que les gens peuvent venir dans ces salles, ils entrent sans savoir ce qui se passe et ils baignent dans cet esprit-là comme ça. Et ça nous donne les convictions sans s'en rendre compte. Ce qui est sûr des choses, quand c'est. Quand tu passes d'un degré à un autre, parce que par exemple, quand tu passes d'un degré à un autre, il faut qu'on t'envoie ce qu'on appelle la feu rose. La feu rose. Oui. Oui. Pour dire qu'on t'a accepté. Oui. Maintenant. Mais qui l'envoie les mains ça depuis l'Amérique. Oui. Depuis l'Amérique. Tu vois, non? Mm-hmm. Oui, depuis l'Amérique. Sauf tu comprends ce que je veux dire? Oui, depuis l'Amérique. On t'envoie la feu rose. Mm-hmm. Pour dire qu'on t'a accepté, c'est pas internet. Oui. Ça vous dérange pas de laisser là? Ça va? Non, je vais te voilà. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Voilà, je crois que c'est plus calme ici. Donc, votre parent, votre père vous disait plutôt que c'était pour la protection. Mmh. Mais protéger contre qui? Étiez-vous en danger? Ou bien c'est une facette de dire, façon de dire, c'est bon pour un, de façon pour envoyer les gens dans cette chose-là. Ce qui est sûr d'une chose. Mon papa avait beaucoup d'ennemis, là, c'est ce qu'il disait, parce qu'il était comme était notable. Oui. Et il y avait beaucoup de combats à Bonaberry. Mm-hmm. Bien avant. Il était notable à la cheville supérieure de Bonaberry. Oui, il y avait beaucoup de combats. Voilà. Il y avait beaucoup de combats, parce que mon papa, je me rappelle très bien, mon papa, avant qu'il soit notable, il était dans les cancans depuis. Oui. Oui. Ça veut dire qu'il nous avait expliqué que lorsqu'il était dans la chambre, il était d'abord dans un autre ordre en fait. Lorsqu'il était chef de personnel à Skene en Corral, il était dans la chambre. Chef de personnel en Corral, c'était une société italienne à l'époque qui construisait les maisons, les routes, je crois. Oui. Maintenant, il savait que un jour, il accompagnait à l'ambassadeur américain et il y avait l'un des conseillers qui était à côté de lui. Oui. Bon, lorsque l'ambassadeur est entré avec son directeur général, ils étaient dehors. Le conseiller s'est approché de lui, il a dit que bon, voilà un livre de cancan. Oui. Voilà un maître comme ça, c'est lui qui gère le monde maintenant, c'est eux. Qui gère le monde. Oui. C'est... Ah, mon papa, bon, il a testé la puissance, il ne sait pas comment il a fait, il a compris que bon, cette puissance est au-dessus de. Il a compris que dans l'ordre où il était, c'était encore au plus petit niveau. Et là, c'est là pour ça intégré. Entre temps, alors, voilà comment est-ce qu'il a intégré. Il est entré en contact avec les gens de Ikanka. Oui. Maintenant, on avait loué une maison à Bipanda. Oui. On était à l'hôtel. On était là en haut. On était à l'étage. Oui. Il savait alors qu'on est venu attaquer parce qu'il avait les livres et tout. Il y avait même la bague. Alors, il m'a dit qu'on est venu attaquer. Les maîtres, c'est qu'ils ont constaté qu'on va le perdre déjà. Oui, on est venu attaquer pour le récupérer et tout. Parce qu'on en voit. Oui. Donc maintenant, donc vous êtes en location à Bepanda. Et votre père vous explique que les gens sont venus l'attaquer parce qu'on sent qu'on veut le perdre. On veut le perdre. Et là, c'est ces combats-là, vous n'êtes pas au courant de cela. Lui, c'est le vice-là. Non, c'est lui, c'est celui qui me raconte. Oui. Oui, maintenant, voilà comment est-ce que lorsqu'on veut amener son âme, oui. Oui, les gens de Kanka ramènent toujours son âme. C'est comme ça qu'il y a eu ce combat jusqu'à ce que ils ont abandonné. Oui. Ok, lorsqu'ils ont abandonné, maintenant ils restaient cancale, c'est-à-dire que la porte bougeait, les maisons bougeaient, les livres bougeaient. Nous on était petits. Oui. Vous voyez, c'est la maman qui nous a confirmé que voilà comment est-ce que ça s'est passé. Et votre maman n'a pas eu peur? Ou bien mais elle m'a quand même dit que c'est mon père savait ce qui s'est passé lui-même. Mm-hmm. Lui-même, il savait ce qui s'est passé. Parce qu'ils sont même allés, je vais vous raconter, ils sont même allés chez un marabout. Le marabout a dit que non, lui, il connaît ce qui a déjà passé, il dérange mal déjà la pour elle. Lui-même, il connaît. C'est comme ça qu'elle a ramené à la maison. Lui-même, il connaît ce qui se passe. Mm-hmm. Donc, c'était comme ça. Et votre évolution, parce que nous sommes arrêtés au niveau, vous avez fait l'initiation en blanc. Oui. Quand vous êtes rentré, quelle est la réaction de votre parent est-ce que la famille on ne connaissait pas sincèrement à la maison. Papa et moi. Il était content, il était fier parce que j'avais un peu gravi. Oui. Vous savez, quand vous avez gravi, vous avez grandi dans l'initiation. Oui. Oui, papa était fier. Oui. Bon, maintenant c'est comme ça que je suis toujours à l'école. Oui. Les gens, je n'ai pas de problème. Et bon, il y avait des phénomènes étranges qui se passaient parfois à la maison. Oui, ça c'est. Je dis que je volais l'argent de Madame Billet, comme je l'ai dit. Elle avait un bar là, tout ce marché là, je volais son argent, elle avait volé son argent là-bas. Et... À l'insu de quelqu'un, vous voyez ça physiquement?

quoi, une tétraède qui est dessinée. Vous fixez votre attention, votre troisième œil là-dessus, une porte s'ouvre. Une porte s'ouvre, quand vous lancez un certain mot, la porte s'ouvre. Mais maintenant, lorsque vous entrez, vous allez arriver à une certaine dimension, vous allez trouver un quartier. Donc quand votre esprit sort de votre corps, ça pénètre, ça passe au travers de cela. Oui, c'est-à-dire que ça s'ouvre comme si, c'est-à-dire que tu vis la chose, quoi. Comme tu entres en esprit maintenant, tu n'es plus en chair, en esprit. Lorsque tu entres immédiatement, il y a un gardien. Il a la forme terrible. Il n'était pas trop gentil, hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas... Il n'a pas l'air de plaquer. A-t-il quelque chose comme l'épée parce que dans le lui... Il a quelque chose en main, toujours. Oui, mais il te demande de rentrer. Sinon, il te demande d'abord qui tu es. Tu donnes à travers le mot d'initiation que tu as. Donc là, on ne donne pas ton nom humain ici. Tu donnes ton mot d'initiation. Parce que quand tu entres, il peut y connaître qui tu es. Il veut le mot d'initiation. Mais maintenant, pour entrer là, il y a un mot que tu donnes. C'est comme le mot. Et là, tu t'en passes là. Oui, j'avais pas. Il m'a demandé de rentrer. En partant là-bas. Sachez que quand vous passez de, par exemple, de astral à causal, vous comprenez. C'est-à-dire qu'à chaque étape, c'est comme une ville à une autre. Et ici, il y a toujours un gardien. Il y a toujours un gardien. Et faites attention. Si c'est le maître qui vous amène de Asala Kozal, il n'y a pas de problème. Parce qu'on le connaît. C'est le mot de passe. Il a son mot de passe qui passe partout. Si c'est un autre maître aussi qui vous amène, il a son mot de passe. Vous comprenez? Mais si tu te projettes seul, sois sûr que ce que tu as chanté, ça va te protéger parce que il y a des dangers. Il y a des dangers terribles. Il y a des dangers terribles. C'est-à-dire que c'est pour vous voyez le matin, il est chanté dans son corps. Et quand il est au soir, il est paralysé, il faut faire attention. Il a mal partout. Et là, tu n'as pas supprimé ce gardien-là. Tu sais qu'il avait la forme. Il ne me demande pas, il me dit. Et je suis obligé de rentrer. Donc là-bas, on ne négocie pas. Comme il a parlé. Oui. C'est seulement un maître qui est avec toi, qui peut parler avec lui, négocier. Tu comprends, non? C'est mon petit, c'est mon étudiant. Tu vas le laisser passer. Il lui donne alors son mot. Et là, donc, dans cette dimension où vous vous trouvez, qu'est-ce que vous voyez aux côtés? Vous voyez l'environnement? Quand tu es là-bas, là, tu as l'impression qu'il n'y a rien. C'est-à-dire que la porte est là, c'est-à-dire que tu vois, comme il est placé là, la porte est à côté de lui. Mais c'est comme tout un univers. Parce que quand tu vas entrer, c'est là où tu vas voir la ville. Mais tant que c'est fermé, tu ne peux pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, lui, il est à l'extérieur comme il est. Il est à l'extérieur comme il est là, comme gardien. Oui, mais l'extérieur dont vous êtes, c'est à quelle forme? Il y a quoi là-bas? C'est-à-dire que tu peux voir une porte lumineuse, un peu partout là. Mais tu es à l'impossible que non. Et ce n'est que le seul endroit où il faut passer. Il faut passer. De toute façon, quand vous traversez là, vous le rencontrez directement. C'est là où je le rencontre. Donc c'est comme exemple, comme nous voyons souvent dans Stargate, on ouvre des dimensions, ça vous fait tomber quelque part. Ça veut dire que ces films-là sont les films d'initiation alors. Les films d'initiation, Et les enfants. D'une porte à une autre. Oui, c'est comme ça. Y a-t-il des cas de films comme ça que tu connais, des Oui, il y a par exemple un cas où j'ai regardé la télé, l'épée de vérité. L'épée de vérité. Le gars tracé un tétraède au sol. TF6. Il a tracé un tétraède au sol et tout. Il a invoqué, il a rassemblé la fille et le garçon, les deux filles et le garçon. Ils ont invoqué, ils ont levé les mains en haut. Maintenant, à 16, j'avais rendez-vous avec M. Pinda, qui est un ami de papa. Maintenant, je suis allé là-bas. Avec Ebongé et les autres les gars. Maintenant, il nous a dit que bon, on t'a fait le commentaire, mais il a dit que ok, il faut qu'on travaille. On est allé derrière à côté de Mangué. On a tracé derrière la maison de Bongay, mon ami. On a tracé, détail et tout. On est entré là-dedans. C'est-à-dire qu'il ne veut plus sortir. Maintenant, on a commencé à lever les mains. C'est là où je me suis rappelé que je viens de voir le film. Et on a posé des incantations. On a levé les mains en haut. C'est après que moi je leur dis que mais je viens de voir le film maintenant. T'as des appels à télé comme ça. Je viens de voir ça. Et je veux en refaire ceci là. Et là, on commence à débattre. Il me dit que non. Lui-même aussi, il avait vu le film où le gars se donnait un mot. Et il avait répété le mot là, c'est-à-dire que ça allume le feu quelque part. Et il voit que c'était la blague. Le gars donne le mot là-bas. Lui, il a répété ici. Il a fait ça comme ça allume le feu quelque part. Donc, physiquement à la maison, il a vu quelque chose dans le film. Comment il a fait Et lui, il a répété ça à la maison. Le feu est sorti. Le feu est sorti. Tout comme c'est sorti dans le film. Il a dit que.

Il était question que oui, mon père, livre pour s'en sortir. Voilà. Entre temps, alors, ça n'a pas pu parce que j'avais séparé. Oui. Étant là-bas à la maison, j'avais séparé entre toi et mon père. Comme si ça, c'est qu'il livrait quelqu'un, c'est qu'il livrait lui-même son fils, mais qu'il ne touche pas et bon, et bon. C'était comme ça. Et entre temps, il t'avait aussi donné quelque chose à l'hôpital alors que tu l'as compris. Oui, un mot. Oui, et c'est là où il va t'expliquer également. Oui, que j'ai donné un mot, j'ai chanté, c'était pour te protéger toi-même. Oui. Oui. Et il t'a dit, il était arrêté. Oui, c'était arrêté qu'il devait partir. Il devait partir. Oui. Oui. Tant de temps. Et là, maintenant, quelque chose encore se passe. Il est couché physiquement sur le lit d'hôpital. Et il parle de votre père. Oui. Et il dit que ça se discute sur lui là-bas en haut. Oui. Ça se voit qu'il est conscient qu'il va quitter. Il sera quelque part. Oui, il sait qu'il sera quelque part. Il sait qu'il sera bien accueilli avec les maîtres du Wolf Truth. Oui. Ce qu'il dit. Et donc là, je dis que là-bas, parce qu'au fond aussi, c'est après que j'ai appris qu'il avait plusieurs ordres. Plusieurs ordres, et c'est pour ça que ça s'est bagarré maintenant. Oui, il a plusieurs ordres. Il y avait un ordre qui était plus grand. Pour lui, quand il y a une situation devant lui, oui, il y a possibilité. Il laisse un autre ordre. Il l'a, même quand il est là avec vous, il y a dans un autre ordre. Il y a l'infidélité même chez Satan. C'est pourquoi on disait souvent que. Il y avait certains parents, je me rappelle quand j'étais Kanka, un papa avait dit que les Kanka que M. Billet et M. Pinda fait, c'est différent de les Kanka que nous faisons celui-là. Donc on le voyait là-bas alors qu'ils avaient d'autres sources dans parce que M. Pinda, par exemple, son cas, M. Pinda est né. Son papa il voulait devenir pasteur. Oui. Il a fini la formation de pasteur. Oui. Mais quand on voulait lui porter la touche de pasteur, il avait refusé. Oui. Pourquoi pour porter la touche de pasteur? Pour que ton nom soit un peu partout. On va dire qu'on parle de grand pasteur. Oui. Il fallait que tu donnes un enfant. Oui. Dans quelle école de formation biblique? Je crois EEC ou UBC. C'était comme ça. Les grands pasteurs, les noms, l'ancien nom de Douala, les grands pasteurs de Douala. C'était comme ça. Il livrait. Oui. Nous savons que les formations bibliques, les enseignements bibliques sont des loges aussi, des grandes loges. Il dit que c'était comme ça. Le papa l'a refusé, le père de Penda avait refusé. Oui. Donc s'il devait accepter, il devait donner un enfant. Oui. C'est pas qui. Oui. Il devait donner un enfant. Oui. Il a refusé. Oui. Parce qu'il a été plus d'enfants, il devait donner, il a refusé. Mm-hmm. Mais quand Penda est né, oui, c'est lui qui avait formé Penda, c'est-à-dire que Penda l'avait mis une chaussette au niveau de son pied. Oui. C'est l'histoire qu'il nous avait raconté lui-même. Oui. Oui. Sa maman a fait, je crois, et né aujourd'hui, le lendemain, donc on l'a amené à l'hôpital. On l'a sorti de l'hôpital. Oui. Ils sont partis à la maison avec un pied de chaussette. Oui. Vous comprenez? Oui. Après, il avait fait un pacte, oui, vous comprenez, non? C'est-à-dire qu'il avait la connaissance des pactes, était franc-maçon, oui, direct. Oui. Il y a franc-maçon simple que vous voyez, oui, il y a franc-maçon pacte, oui, comme pacte pur, oui, d'Allemagne. On te pactise immédiatement, oui, c'est ça. Donc, donc c'est la pacte de là. Oui, et c'est son papa qui était celui qui dansait parfois avec le. Il y a un esprit qui danse là avec, à côté de... Bon, quand vous voyez le Ngondo, oui, vous voyez la cage à l'entrée de la cage là où les chefs entrent souvent. La cage qui est à côté de l'eau. Oui. Il y a une cage à côté de donc, l'eau. Longoto, donc il y a un monsieur. Cette là. Il faut qu'on rappelle donc que tu es de Douala, que tu es de Sawa, donc des cantons Douala. Et par conséquent, donc votre danse traditionnelle, votre tradition, pratiquement c'est Longoto, l'autre tradition. Et lors de ces festivités, donc il y a une case où on construit. Oui, les chefs vont entrer. Mais il y a alors un monsieur. Là, qui comme il danse comme le Kunga. Oui, il danse comme chez le Kunga. Oui. On danse avec lui. Et danser avec lui, ce sont les techniques, les mots, ce qu'on utilise pour savoir danser avec lui. Si tu ne connais pas danser avec lui, tu as des problèmes. Oui. Donc, c'est le papa là qui avait le droit de danser avec lui, avec le seul. Oui. Et la personne qui reveste là, est-ce que c'est un être humain simple ou c'est un esprit? Bon, ça, ce sont les coutumes et traditions spirituelles des Ngondo, les gens traditionnels. Oui. Les gens traditionnels, oui. Ils sont peut-être traditionnels aussi. Oui. Oui. Ça fait que les grands pasteurs, il y a beaucoup de grands pasteurs qu'on a connu, on a connu leur nom ici à Douala, mais qui savaient qu'il y avait d'autres pouvoirs. Oui. Oui. Et donc, ils manifestaient dans l'église. Oui. Oui. Bon, maintenant alors, Pénard c'est comme ça que monsieur Pénard commence à grandir dans la formation. Donc, dès le départ, il a été baptisé. Oui, là-dedans. Il était baptisé, tout. Son père l'a mis là. Ce que je ne comprends pas, c'est que vous dites que son père a fait la formation de pasteur. C'est au sorti, avant de lui mettre cette touche-là, il a refusé. Il a refusé de pasteur. Il a refusé de pasteur. Oui, il a passion, mais il a quand même cédé à la franc-maçonnerie. Oui, il était à la franc-maçon. Il était franc-maçon. Oui. Oui. Il est un ancien d'église. Oui. Il était à la franc-maçon. Et tout. Qui chantent bien là et long, ils voient souvent les gens blancs. Oui. Tout là, oui. Donc dans l'église évangélique, on les voit en blanc. Oui, ils sont à l'intérieur. Ils sont là-dedans. Oui.